J'ai longtemps désiré que tu m'aimes, mais tu ne le fais pas. Oui, j'ai longtemps désiré que tu m'aimes, mais tu ne le fais, pas. J'ai longtemps désiré ta présence près de moi. J'ai longtemps désiré tout ce que je ne peux avoir. Ça, tu ne peux pas m'aider pour ça. Je suis vraiment maudit par les dieux, maudit de tout ça. Je m'ennuie d'être là dans ce monde avide de toutes ces conneries, de tout ce qu'il ne faut pas. Je te désire et toi, tu t'en fous. Tu te fous de moi largement, oui, largement. Je t'aimais, je t'aimerais, mais tu t'en fous, oui, largement de moi, comme aussi large que tu es. Tu t'en fous de moi. Alors moi, je suis là, à la dérive, comme un poisson qui tourne en rond, comme un gros con à la dérive. Tu te fous largement de moi, oui, largement de moi, comme tu es du large, comme tu es. Tu te fous largement de moi. Mais que faut-il au fond pour que tu aimes celui qui te désire, qui voudrait faire ton bonheur? Mais tu t'en fous, toi, ce que tu veux, c'est souffrir. Souffrir comme t'as déjà souffert des hommes qui se foutent de toi, qui se foutent de toi. Tu aimes ça, tu es dans ce dilemme. Tu as souffert et tu continues à souffrir, et tu n'aimes que ça car tu as connu que ça, et tu ne cherches pas vraiment. Ou même quand tu rencontres celui qui pourrait t'aimer, te faire une vie plus agréable, tu t'en fous, tu préfères continuer avec ceux qui te pourrissent la vie, ceux qui te prennent pour une merde. Tu aimes, en fin de compte, tout ça. Tu aimes, en fin de compte, tout ça.